ressemblait à ce souvenir d'été à Cabo. Mais comme disait Gainsbourg, si aveugle est l'amour, que sa canne en est rose bonbon, alors des fleurs, à quoi bon? Je ne peux plus dire je t'aime. Oui, mais voilà, je le dis quand même. Ça ne fait plus rire personne. Tes absences au téléphone. Je suis à haute et corruptible. Un peu fauché, assez pénible. Au bal des nas, j'ai des actions. J'y suis classé hors sélection. Mais je